Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Tal. Et c'est parti pour un nouveau Planète Rap. Passez une bonne soirée, Tal. Et là, comment ça va, Tal? Ça va et toi? En pleine forme? Bah toujours. Tu m'as l'air, écoute. Bien. Vous pouvez voir les images sur Skyrock FM, allez-y sur l'appli Skyrock. Ralph est de retour avec nous. Yeah. C'est ça. Entre 20 et 21, Ralph qui t'a accompagné sur cette tournée incroyable. Ouais. Ralph qui est à tes côtés, Ralph qui chantera peut-être avec toi tout à l'heure, qui sait. Ralph qui est mon ami aussi. Et qui est ton ami aussi. Tout ça. Contrairement à Fabien qui est. Fabien qui est mon guitariste. Ami aussi un petit peu? Oui, bien sûr. Voilà, ça, tout le monde va bien? Ah. Tu sais, à force d'être après 91 dates, et puis même avant ça, on a toujours travaillé ensemble, donc forcément, il y a de l'amitié qui se crée. Franchement, il y a un truc fort qui se crée. Ah bah oui, évidemment. Bon, on va découvrir évidemment le live ce soir. On fait notre petit jeu aussi, comme chaque soir? Évidemment. Trois propositions, un seul morceau fait en live tout à l'heure par Tal, c'est vous qui choisissez le morceau. Alors le morceau, c'est pas un titre à moi, c'est que des covers. Des reprises. Parce que voilà, on avait envie de revenir un peu aux sources, parce que c'est vrai que j'ai commencé avec des covers sur YouTube, sur Skyrock, et je me suis dit ça serait sympa de faire un petit jeu. Mais c'est sur très ça. Sympa. Et voilà, et du coup, bah, c'est que des reprises en acoustique, et on vous propose ce soir trois titres et que vous allez choisir en tapant hashtag Tal sur Skyrock. Tu les as les trois propositions? Alors je les ai, donc en fait, si tu veux, on va remettre trois qu'on a déjà proposé cette semaine qui n'ont pas été sélectionnés. Demain, il y aura un titre en plus qu'on n'a pas encore proposé, qu'on proposera demain. Carrément. Et ce soir, c'est Tom Ford de Jay-Z. Voilà, avec la petite partie Holy Grail. Avec la aussi. Petite partie Holy Grail, et ça, c'est en featuring avec Ralph. Très bien. Nous avons le titre Ragamuffin en 1. En 2. En 2, Ragamuffin de Céla Sou. Et en 3, on va remettre Crazy de Seal. D'accord, bah allez-y. 1, 2 ou 3, quel est votre morceau que vous avez envie d'entendre en live avec Tal? 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock entre 20h et 21h. Tu nous feras aussi un petit medley jacksonien, ce qui paraît. Ouais, j'ai préparé un petit medley de Michael Jackson pour vous ce soir, donc j'espère que ça va vous plaire. On a préparé ça avec Fabien et Ralph tout à l'heure. Et bah voilà. C'est parfait. J'ai envie de se replonger tout de suite sur le Planète Rap d'hier soir avant d'attaquer celui de ce soir. Voilà ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Tal. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Au nom de ces visages qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. Planète Rap. Nous parler des reprises et des reprises que tu nous fais chaque soir, mais toi aussi on te reprend. Tu as vu un peu sur le net toutes les reprises de tes morceaux? Ouais, j'en ai vu. Tu guettes un peu ou Écoute, je suis déjà tombée sur des vidéos de fans qui reprenaient des chansons, et il y en a qui sont pas mal aussi. J'ai vu une meuf, je crois qu'elle est australienne, elle chantait Marche au soleil, je crois. Et elle a un accent quand elle chante en français, c'est hyper mignon. Salut les gens, c'est Ferhat. Je suis en compagnie de Doudou Panda et on va vous interpréter le passé de Tal. Et le passé envolé, le passé traversé, traversé et vite tous ces orages. Le passé envolé, le passé avancé, pour trouver au moins tous les courages. Il y a des jours où la vie entend beaucoup, des jours où je ne comprends pas tout, je suis peu dur, on se souvient alors. Voilà. Oh, c'est trop mignon. On t'a compilé un petit peu. Alors il y a beaucoup du passé. Entre Souris et Alarm. C'est notre amie australienne. J'adore. On en est où sur les résultats? Exactement. Quel morceau vas-tu faire ce soir? Tu parles à ma place, c'est génial. À 83% auditeurs et auditrices de Skyrock ont voté pour le morceau de Rihanna. D'accord. Le rom pom pom pom. Oh mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh mama, mama, mama, I just shut a man down. It's a 22, I got the biggest suit. When she feel what it in my shoe, I do expect me to do. If you playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearms. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Me say one man down. How am I say? Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. And I went downtown 'cause Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh la la mercy, now I am a criminal. Man down, tell it just kiss, give me me me no. Run out to some and him as criminal. Au nom de ces visages qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. Au nom de ces regards qui se baissent, voilà, c'était hier soir dans l'émission. Ce soir, une nouvelle page s'écrit avec Tal, notre invité avec le live qui est sorti depuis lundi à l'Infini Tour. Il y a CD plus DVD. C'est ça. Le son et les images. 20h pile, je crois qu'il est grand temps d'ailleurs de débuter avec un premier morceau maintenant. Oui. Comme d'hab. Comme d'hab. Le live jacksonien. Mm-hmm. Wanna be starting something. T'aimes bien quand je dis en anglais. Hein. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a, Rolf? Fais pas ton malin. Tu veux qu'on fasse un cours d'anglais? J'ai rien dit, moi. Ah, ben lui, il te bat en deux secondes. Ouais, tu le sais. Je le sais. Je ne chauffe pas trop. Et alors, je rappelle, parce qu'on n'aurait pas demandé les morceaux pour ce soir, les morceaux juste de Tal. Oui. Il y a trois propositions. Un seul sera chanté par Tal, c'est vous qui décidez. C'est ça. En numéro 1, tu nous as dit Tom Ford de Jay-Z avec Holy Grail, en featuring avec Ralph. Mm-hmm. Ragamuffin de Célassou. Et en 2. En deux, pour Célassou. Voilà. Et en 3, Crazy de Seal. Allez-y, 41-759, le hashtag Tal sur Skyrock. Vous y allez, on débute avec le morceau extrait du live maintenant. Yeah. mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Mama say mama say mama makusa. Sur Skyrock et Tal sur scène aussi, le CD DVD à l'infini qui est dans les bacs depuis lundi, et cette reprise de Michael Jackson qu'on écoute à l'instant qui s'appelle Ralph Wanna Be Started Something. Voilà, yeah. J'avais pris un petit peu à froid, mais c'est bon. Et en plus, c'est de la chanter. Et de la chanter en plus. Bon, on en est où sur les votes? Vous continuez à voter 1, 2 ou 3 à la place de numéro 1. Un des lives que tu chanteras tout à l'heure, est-ce que ce sera le Tom Ford de Jay-Z? En 2, c'est la Sour Gamma Fine, ou en 3, le style de Crazy? Le Crazy de Seal, même d'ailleurs. Dans l'ordre, c'est mieux. 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock, vous nous dites. J'ai pas les premiers résultats, on va les avoir dans un instant, dans quelques minutes. Ouais, ça marche. Continuez aussi à envoyer parce qu'on a eu pas mal d'anecdotes qui sont arrivées sur la tournée. Parce qu'on l'a dit depuis le début de semaine, la tournée, c'est 400 000 personnes qui t'ont vu. Donc ouais. 400 000 histoires à chaque fois qu'on va à un concert. Donc dites-nous ce qui vous est arrivé. On avait eu. C'était quand mardi ou mercredi, un truc pas mal avec quelqu'un qui avait perdu ses clés après le concert, qui était resté au Zénith de Saint-Etienne, qui a fait le tour du Zénith de Saint-Etienne, qui a été bloqué pendant 3 heures, le pauvre. Dites-nous, racontez-nous vos histoires, peut-être une histoire de Ralph aussi sur cette tournée. Non, mais je pense que tu as tout donné déjà, non? Ouais, je pense. Tu n'as pas tout donné, Ralph. J'avais oublié. Il y en a tellement en plus. Ouais. C'est faux, tu n'as pas tout donné. J'avais oublié de te donner le micro sur Waya Waya, voilà. On la connaît aussi. J'étais à deux doigts d'oublier mes chaussures avant de monter sur scène. Ah, il y avait pas un truc sur Cash? Ah, t'étais pas là au début. Ah oui, c'est ça. Il a raté son entrée. J'ai raté sur mon Cash. Entrée. C'était sur... où? Je sais plus. Au Catherine en train de bouffer. Non. Il y avait un problème de changement de tenue, quelque chose comme ça, et donc du coup. Ou un micro qui marchait plus, non? Je sais plus. Mais c'est vrai que ça va vite. En plus, tu changes pas mal de tenue. Enfin, il y a tout un show, donc. Cinq fois, je change. Donc derrière, je suppose que ça. Bah, c'est le speed. C'est le speed, c'est pas genre je vais derrière, je respire tranquille, non, on est dans le speed en train de changer. C'est horrible. C'était beaucoup de répétitions ou pas pour cette tournée, toi, Tal? Ouais, énormément. Beaucoup, beaucoup de boulot. On a bossé pendant, enfin, moi personnellement, un mois avant les un mois de répète, donc 2 mois pour moi. Donc en non-stop? Ouais, en non-stop. Et bon, il y avait les enfoirés, c'était fin janvier, il y avait les enfoirés, mais tout le mois de janvier, j'avais déjà commencé à me préparer physiquement, et puis on a eu tout le mois de février de répète. Avec les danseurs et les musiciens, et ouais, on n'a pas arrêté quoi. Et puis là, il y a une autre tournée qui se prépare à partir du mois de janvier. Ouais, c'est je ça. Je sais pas si Ralph, tu es convié sur cette tournée qui est un peu plus acoustique. Pas celle-ci. Tu restes pas à la maison. Mais il viendra. Je reste à la maison. Voilà. Non, ce sera de nouvelles choristes, des femmes. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de nom parce qu'on est en pleine audition en ce moment. Donc tu choisis en ce moment. Voilà, exactement. Donc ça sera des femmes, les choristes. Donc tournée acoustique. De fin janvier. C'est ça. 40 dates pour l'instant. Ouais. Avec deux passages à Paris. Et on part aussi à l'île de la Réunion en avril. Donc pour. C'est là que je suis pas là. Ça, tu vas louper, hein. Arrête, le pauvre. Ah là là, tu connais pas la Réunion? Non, pas encore. Mais il viendra, il y aura d'autres occasions. Ah, mais emmenez-le. Bah oui, on va l'emmener. Je vais le mettre dans ma valise. La peine aux Camille réunionnais, réunionnaises. Loupez pas en avril, il y a Tal qui débarque près. Ce sera quoi? Acoustique aussi pour la Réunion? Oui, exactement, ce sera acoustique aussi. Alors pour les dates parisiennes, ça sera fin mars. 28-29 mars. 28-29, 30 et mars. Et voilà, on l'a dit, peut-être une troisième date le 30 mars. Donc il a priori, c'est confirmé. Ouais. Oui, c'est confirmé. D'après les fans qui sont là, d'ailleurs. Ah ouais, faites du bruit pour eux. Ça va bien tout le monde? Oui, vous le faites. Tiens, on va faire le petit sondage aussi dans le studio. Alors j'ai reçu les premiers chiffres. Pour l'instant, en tête pour la reprise tout à l'heure de Tal, c'est à 45%. Holy Grail. Non. Ah merde. Seal. Pardon. Ah ouais. Ah Seal. Ouais. Étonnant parce qu'il n'avait pas eu des résultats très forts, Seal. Je pense que les fans se sont dit, elle a envie de le remettre à chaque fois. On va lui faire plaisir, on va voter. En deux, c'est le Tom Ford. Et je rappelle que sur Tom Ford et Holy Grail, il y aura Ralph. Sinon, ben, pareil, tu partiras avant. Voilà. Attention, sur Crazy Ragamuffin, il va chanter aussi. Ah bah ok, donc il sera partout. Et donc, 16% seulement pour Célassou, la reprise de Célassou Ragamuffin. Continuez à voter 41759, le hashtag Tal sur Skyrock, 1, 2 ou 3. 1 c'est Tom Ford, 2 c'est Célassou, 3 Cécile. Vous êtes plutôt quoi, 1, 2 ou 3 ici pour l'instant? Qui vote pour le 1? C'est qui a parlé fort. Ah, pour le 1, alors ok. Ouais, ok. 1, 2, 3, 1. Le 2, c'est la sourde à Gamma Fine. Personne, ok. En 3, Crazy, le morceau de Cils. Personne aussi. Bon, bah ils sont tous pour Tom Ford. C'est pas tout à fait la tendance qu'on nous donne en ce moment. Dans le studio. C'est ça. Ben, on verra. On va savoir dans un instant. 41-759. Le temps de mettre un titre live. T'as, est-ce qu'on mettrait pas danse par exemple? Allez. Comme ça tu marche. Veux. Ouais, vas-y. Si t'as pas envie, tu me dis non, j'aime pas ce titre. Je supporte pas ce titre. Vas-y, tu peux y aller. Allez, on écoute danse maintenant sur Skyrock. Don't extrait du live de Tal danse à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21 pendant que Tal fait des petits cœurs. Si vous avez la vidéo, vous voyez des petits cœurs. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je lis les messages qu'on reçoit. D'ailleurs, je fais un bisou à toutes les personnes qui envoient des SMS. Hein. Est-ce que tu as vu les messages Ophélie, qui sont arrivés? Ophélie, talentueuse, Nana 12 ans, Quentin Zozo, Sindel, Luce. Des bisous de Sindel depuis Lyon. Colline Paquet. Colline qui s'inquiète pour toi et demande si tu es fatiguée. Non, ça va, t'inquiète, tout va bien. Non, mais j'ai un truc, tiens, mets-nous 10 secondes du morceau. J'ai un truc, quand elle est fatiguée, j'envoie ça maintenant. Je vous le dis. Dis-moi. Tiens. Voilà. Ah, voilà. Ah ouais, grave. Quand elle est fatiguée, Tal, j'ai ça. On a le morceau. Stop. On va le mettre après la pub. Après la pub. Okay. Si t'as envie d'avoir. Parce que souvent, j'ai repéré, toi, 20h20, 20h25, il y a un coup de mou. Ouais. Donc je l'ai de côté. Je l'ai de côté, on va le passer dans un instant. Okay. Non, je disais les messages qui sont arrivés sur les anecdotes de concert, il y a quand même des trucs de dingue. Ouais. Je sais pas si t'as vu, il y a quelqu'un qui est arrivé, alors je suppose que c'était un jour où il faisait chaud ou dans le sud, qui est arrivé à 11h pour assister à ton concert, donc le soir, qui a eu un coup de soleil, qui a rien vu. Arrête. T'as vu le message? J'ai pas vu. Tu l'as vu où? Dur. Tu l'as vu où? Bah là, il y a un message qui a défilé. Ah, j'ai pas vu. Ouais, c'est un message qui a défilé. J'ai vu, je suis arrivé à 11h, j'ai pas rien vu du concert. Parce que j'ai chopé un coup de soleil. Mais non. Si. Et vous vous moquez en plus. Mais je me moque pas. Il faut qu'il achète le DVD, comme ça il peut voir. Bah, s'il laisse son numéro, on lui envoie gratos, comme ça. Ouais, on va lui envoyer. C'est quoi son nom? Je sais pas, c'est un message. Il y a eu tellement de messages, ouais, que. Bah, en tout cas, on lui fait un bisou, il va se reconnaître, je pense. J'en ai vu un autre, je suis très inquiet quand même sur l'équipe de Tal. J'ai vu un message en disant, moi j'ai vu le concert, mais pendant une heure et demie, il y avait un projecteur braqué sur moi, donc j'ai rien pu voir de la scène, j'étais aveuglé. Ah. Arrête. En même temps, il fallait peut-être se décaler un peu sur le côté. Je pense. Ouais. Il y a de la lumière partout, quoi. C'est le jour où t'as pas été éclairé du tout sur scène, en fait. Tu te souviens pas? C'est que le public était éclairé. Mais il y a beaucoup de moments où ils sont éclairés, les pauvres. Je pense qu'avec les lumières, ça. Ouais. Allez, continuez 41759, le hashtag Tal sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. On balancera le Mark Ronson pour te mettre bien. Pour te j'adore donner. Cette chanson. Dans un instant, on mettra aussi des titres live. On en est où sur le choix pour l'instant? J'ai pas les derniers chiffres qui vont arriver à la place de numéro 1. On vous rappelle, pour les reprises, pour la reprise ce soir de Tal, c'est en choix numéro 1 le morceau de Jay-Z, Tom Ford. En 2, Ragamuffin de Célassou. Et en 3, Crazy de Seal. 41759, 1, 2 ou 3. On revient après ça avec Tal. Comme toi, Tal a elle aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Tal, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 avant d'attaquer le live d'ici quelques minutes. Il y a aussi un medley jacksonien de prévu. C'est ça. Que vous étiez en train de répéter pendant les pubs. Ouais, c'est ça. Il m'a l'air de pas mal déchirer. Donc dans un instant, ne loupez pas ça. Le morceau aussi, on s'en va vers le titre de Seal. Hein. 45%, j'ai reçu les derniers chiffres. Incroyable. Mais voilà. Numéro 2, c'est la reprise Jay-Z Tom Ford. Numéro 3, Ragamuffin de Célassou. Alors dans l'ordre, si vous voulez voter. Ouais, pendant encore une petite dizaine de minutes. Mm-hmm. Si vous voulez entendre la reprise de Tom Ford, c'est le choix 1. Le choix 2, c'est la soirée Gamafine. Et le choix 3, Seal Crazy. Vous votez 1, 2 ou 3. 41759. Le hashtag Tal sur Skyrock. J'avais promis un petit remontant. Ah ouais. Petit remontant ou pas? C'est l'heure du petit remontant. Allez. Allez. On y va? Vas-y. Allez, Mark Ronson avec Bruno Mars maintenant sur Skyrock. Ton morceau préféré du moment. J'adore. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot dance. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot dance. Make a dragon bone a retirement. I'm too hot. Hot dance. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot dance. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk. Just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Voilà, ça va mieux, hein? Yeah! Marc Ronson. Mais il déboîte ce titre. Avec Bruno vraiment... Mars, à l'instant. Oh là là là. Il défend ce morceau. L'album arrivera fin janvier. Je sens que je vais l'écouter en boucle. C'est pour, c'est pour l'album de Marc Ronson qu'on écoutait à l'instant, dont on a parlé. Ouais, il est un grand, grand producteur. Tu rêves d'ailleurs de bosser avec. Ah, bah, c'est juste un génie. Il a travaillé pour Amy Winehouse, pour Adèle. Pour Ned Dog aussi, hein, dans notre genre, ouais. Donc, et tellement d'autres. Comment te dire que j'aime beaucoup son travail, ouais. Peut-être Tal. D'avoir fait une reprise. Bah j'aimerais beaucoup. Mais je vais y penser. Tu te sens ça ou pas ou ouais, c'est je un, le sens c'est un grave. Peu complexe. J'adore cette chanson. Bah c'est non, mais moi quand j'aime une chanson, j'ai envie de la reprendre en fait. Donc. Donc une adaptation peut-être. Peut-être pour peut-être, demain. Peut-être. Ah, déjà pour demain. Ouais, je me lance un défi. On va voir. Si j'ai le temps pas demain bon dans la journée, je répète cette chanson. T'as c'est beaucoup de trucs demain. Non, j'ai parlé à Fab pour qu'il. Je sais pas, faut que je regarde, mais si j'ai le temps, j'apprends la chanson. Ok. Rendez-vous demain entre 20 et 21. On verra demain soir. D'ici là, restez avec nous hein, parce qu'il y a du live qui se prépare. Il y a un medley justement acoustique version Jacksonian dans quelques minutes. Yeah. C'est ça. La reprise, la célèbre reprise. On s'en va vers Seal Crazy. Tout peut bouler. Il vous reste 5 minutes. On se dit encore 5 minutes. Donc allez-y. 1, 2 ou 3. Place de numéro 1. Le choix numéro 1, pardon. C'est pour la reprise de Jay-Z. Le choix numéro 2, c'est la Soura Gamafine. Et le choix numéro 3, Seal avec Crazy 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock. Et là tout de suite, on est avec Mac Criminal. Ou criminal, de home court, ça va bien? Ça va. Et toi? Tranquille. Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap de Tal. Merci. Tu es prêt à rapper? Prêt, là. Allez, 1:30 pour tout déchirer, on t'écoute. In the mix. Ok. Hey. Ok. Tu sais, je ne suis pas de ceux qui mentent. Ni un gentleman, ni un mec à sentiment. Moi, je suis le genre de jeune un peu têtu. Sur les bords problématiques, je sais que je la vie a déçu. Je raconte mes péripéties, mes galères sur une instru. Je m'en foutais beaucoup de l'école, au bol j'étais l'intrus. Oh, oh, si toi aussi t'as le regard vide. Si toi aussi t'as envie de te barrer de là et vite. T'en as marre, hein. Ouais, t'en bave, hein. Tout ce que je pourrais dire, c'est de pas baisser les bras, cousin. Va droit au but, va jusqu'au bout de ta passion. Eh, laisse les critiquer, te retourne pas, ne prête pas attention. Y'en a toujours rien pour dire que c'est de la merde. Je leur disais de prendre un stylo, une feuille, ils disaient plus la même, hein. Bref, on voudrait tous revenir dans le passé, refaire les choses en mieux et les galères sans débarrasser. Si j'aurais pu, j'aurais évité de voir ma mère pleurer, évité de voir mon père malade, faire un AVC. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui y pensent vaguement, ceux qui t'invitent à manger la galère. prend le dessus. Le frigo qui se famine de tout ça. T'en as marre, t'as vite envie que ça se termine. Alcool s'extermine, nos gueules cramées, ils en veulent pas. Pour eux, c'est qu'une vermine. Ici, pas du couplet, ré. Eh ben, merci à toi. C'est quoi, Mac Criminal ou Criminal? Mac Criminal, ouais. Mac Criminal à l'instant de Homecourt. Rappelle les adresses où on peut te suivre. Ok. Ça y est. Jadomeco 54. Mmh. Voilà. En Lorraine, Meurthe-et-Moselle. Et bah, une dédicace en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Ciao, Mac Criminal. Jadomeco, tout ça. Et ça roule. Et à plus. Merci à toi. Et il a donné, hop. Ça va vite avec Mac Criminal. J'ai même pas osé dire bonjour. Ouais, mec, rigole pas. C'est tranquille. Fallait pas l'emmerder. Fallait pas l'emmerder ce soir. C'était pas le jour. Bon, sur Skyrock, on est avec Tal entre 20 et 21 avec cette fameuse tournée qui s'est achevée. Tu viens de la dernière date ou pas? Ah, bah oui, le Zénith de Paris. Alors? T'étais dans quel état à la fin? Bah, quand tu es sorti de scène, parce que c'est ça, on l'a pas vu. Non, mais il faut savoir, ce qui est dingue, c'est que même pas deux semaines avant, Non, c'était quand? J'ai vu Pharrell Williams au Zénith de Paris, genre peu de temps avant la date du Zénith, et c'était assez incroyable de revenir sur la même salle, mais dans être la sur loge scène. De Pharrell. Et... Non, tu j'ai pas eu la chance de le voir. Non, mais tu as eu ah la oui, même j'ai loge. Eu la même loge. J'ai eu la même loge. Bon, pas pareil à l'intérieur, bien sûr. Moi, j'avais juste une banane et une pomme. Lui, il a dû avoir du champagne. Enfin bref. Mais c'est juste un truc de fou. Et puis les Zénith de Paris, il y a énormément d'artistes qui sont passés par là. Je me rappelle, j'avais vu Rihanna en 2007. Non, 2005, je sais plus. C'est il y a très longtemps. Et ouais, non, c'est un truc de fou. Bon, mais quand t'es sorti de scène? Écoute, quand je suis sorti de scène, qu'est-ce qui se passe en sortie de scène là pour cette dernière date? Bah, c'est très bizarre comme sensation, parce que c'est vrai que c'est une tournée qui a été hyper fatigante, et j'ai senti beaucoup beaucoup de fatigue. Donc si tu veux, j'ai senti un relâchement. Tu t'es écroulé, en fait. Beaucoup de tristesse aussi, parce que voilà, si tu veux, la scène, c'est l'endroit où je me sens le mieux, et c'est quelque chose que j'attends tellement depuis toute petite que de se dire que c'est fini et que je dois attendre jusqu'à fin janvier pour être sur scène, ça faisait un peu mal. Mais après, voilà, j'ai profité vraiment de toutes les personnes que j'aimais. Après, on a fait une soirée tous ensemble avec toute l'équipe. Après à la maison. Ah oui, très tard, oui. Et Ralph, peut-être plus tard que toi, parce que... À 6h du mat. Moi, 7h30 ou 8h. Hein. Ah oui. Moi, 6h. Ah, t'étais où après? Ah, qu'est-ce qui s'est passé, Ralph? J'ai fait after. Ah, t'as fait after, d'accord. Moi, je suis rentré à 6h, j'étais éclaté. Heure raisonnable. Donc, rentrer, réussir à trouver le sommeil bien, t'étais... Bah, écoute, ça m'a pris du temps. Ouais, je m'étonne. Il m'a fallu quelques jours pour reprendre un rythme normal, parce que c'est vrai que j'étais complètement décalée aussi. Et hyper fatiguée, effectivement. Donc ouais. Et bah voilà, là, tout va bien. Beaucoup de nostalgie ce soir. Oui, ça se voit. Dans tes yeux, tu illumines encore. Ouais. Bon, ça repart en tout cas, là, d'ici 2 mois. Ah, j'ai hâte, j'en peux plus. Tu seras de nouveau sur les routes de France à partir de fin janvier. Mm-hmm. J'avais dit 20h35, fin des votes, c'est donc fini. Et c'est donc Seal, 42%, qui l'emporte. Ok. Et bien... Alors qu'il avait eu des scores pas terribles depuis le début de semaine. En numéro 2, c'est le Tom Ford, 38%. Et en numéro 3, Ragamuffin de Célassou, 20%. Génial. Et bah, le temps de se préparer, Seal, la reprise dans quelques minutes. On va écouter un extrait du live. Allez, carrément. Le marché au soleil. Ça te dit une autre personne ou pas? Ah, ou une autre, comme c'est ton planète rap, donc tu choisis. Bah ouais, je me dis, comme il y a Ralph ce soir, on va écouter une autre personne, parce qu'on entend Ralph dedans aussi. Et bah, ça tombe bien, on l'écoute maintenant. Fab, c'est bon? Allez, une autre personne, extrait de la captation live de Tal. Ok. Deep trouble. Sometimes I'm lost in a jungle. But when I hit the key drum of the drama, I feel like a beast on the beat. Je m'abandonne, moi-même je m'y donne. C'est la nuit qui m'appelle. Ce soir je m'abandonne, je vais enfin m'échapper, m'inventer sous la lumière. Look at me going well done. Comme un loup dans la nuit, comme un loup dans la nuit. Look at me going wild. Et quand vient le soir, moi je me transforme. Je suis une autre personne. And this is how I do. J'entends le son qui résonne. Hey, I love the music. Je suis une autre personne. Une autre personne en live, extrait du CD, DVD de Tal qui s'appelle À l'infini tour, que l'on découvre cette semaine, il est sorti lundi. Hein. 41759, c'est pour envoyer vos messages avec le hashtag aussi Tal sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. On commence par quoi? C'est l'heure du live maintenant. Et bah écoute, on va faire la chanson de Syl qui a été choisie par les fans ce soir. Ce soir, Crazy, c'est vous qui avez décidé de la reprise de Tal et c'est en effet Syl. C'était une chanson qu'on avait reprise sur la réédition du premier album. Je m'en rappelle, on avait fait une petite session acoustique en studio. Et puis d'ailleurs, il y avait Ralph aussi, on avait chanté ensemble. Puis on l'avait refait aussi sur Planet Rap, il me semble aussi. Donc on va la refaire. Il me semble que Fabien est prêt à la guitare. Il est en train de régler les trucs, j'ai vu un peu dans la ligne de mire de la corde. Ah ouais, c'est des trucs très dangereux en fait. Allez, c'est parti maintenant en live, Tal. Is to unlock the door. But those around them criticize and sleep. And through a fracture on that breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Yeah. But we're never gonna survive unless we're a little crazy. But we're never gonna survive unless we're a little crazy. Yeah, the people walking through my head. You've got a gun to shoot the other one, and yet together they were friends at school. Oh. If only when we first took the pill, then baby, baby, faut espérer. But we're never gonna survive unless we are a little crazy. But we're never gonna survive unless we are a little crazy. Isn't that crazy? Crazy. Avec Syl qui s'est manifesté à la fin là. Je crois qu'il a validé ce cover à l'instant. Bravo, bravo. Merci. Une fois de plus pour cette reprise. Merci à Fabien, Ralph. Yeah. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini, on continue. Oui. Bah avec plaisir. On est promis un medley de Jackson, c'est maintenant sur Skyrock et c'est Tal. Allez, c'est parti. Allez, version acoustique toujours comme d'hab. Sleep aside, hear her voice shake my window, sweet seducing eyes. If they say why, tell them that is human nature. Why, to do it that way. If they say why, tell them that is human nature. Why? To see the me that way, I like a living this way. Says, do you love me? And she says, come tell me. I love you, Liberian girl. Ooh, oh, yeah. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Yeah. Against clubbing nations, causing grief in human liberation and a truffle on the global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is spaces. I've seen the right dead color. I'm not going to spend my life being a color. Allez, tout le monde. Bravo. Oh, j'ai envie d'assurer mes arrières, j'ai d'assurer ma retraite. Est-ce que je peux garder ça? Je te l'offre. C'est les partitions de... C'est du medley. Du medley. C'est les partitions du medley. Magnifique. C'est... Non, mais c'est... en plus, c'est tellement beau. Tiens, on va la montrer à la caméra Momo. Allez, vas-y. C'est bien travaillé pour tous ceux qui ont envie de faire de la musique. Et si vous voulez voir aussi, on a préparé ça. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les dessous de Planète Rap avec l'application Skyrock FM qu'on télécharge partout sur Skyrock FM. Ça, voilà. Vous allez me le dédicacer dans 10 ans. Je suis refait. Avec plaisir. Enfin, on y va tous. Hein. Okay. Bon, merci en tout cas pour ce live à l'instant. Bravo une fois merci de plus. Merci à vous, merci à Skyrock, merci à tous les auditeurs, merci aux fans. Tal, Ralph et Fabien à la guitare. Le live est dispo dans la soirée sur le Skyrock FM. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre les deux concerts uniques de Cher en France. Salut Laura de Valenciennes. Salut. Comment ça va, Laura? Ouais, super. Je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Eh bah, ben, bienvenue. Tu connais Tal? Ah ouais, j'adore. Salut. Super chanteuse. Salut Tal, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, magnifique, hein, les reprises de Michael. Super. Merci, c'est gentil. C'était terrible, ouais, le medley. Gros medley à l'instant. Laura, on y va, on fait tourner rapidement la roulette. Allez, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Il y a 10 foules juste après, la radio libre qui se prépare. Stop. Et Laura, pour toi, l'intégrale de Usher qu'on t'envoie du côté de Valenciennes, c'est pour toi, Laura. Oh, super, merci beaucoup, Skyrock. Super. La chance. Je te fais des bisous. Oh, je te souhaite trop contente. Une belle soirée, Laura. Je te fais des bisous. Merci, bonne soirée ciao, à vous. Bon bisous. Salut. Merci, ciao. Merci, Tal, pour cette nouvelle soirée. Bah écoute, c'était merci bien, à vous. Comme d'hab. Ça passe super c'était vite à chaque fois. On a envie de chanter, de rester, de crier, de. Voilà. Eh ben écoute, on adore. Continuer, hein. On a hâte d'être demain soir en tout cas. Bah demain soir le retour entre 20 et 21, mais là il est grand temps aussi de retrouver Difool et toute l'équipe. Oui. Eh ouais Fredo, eh ouais Tal, on l'a connecté. Hello. Coucou. Eh ben oui, on attend demain avec impatience alors Tal. Écoute, j'ai hâte. Bah, et demain soir, juste avant 20h, ça démarre, c'est Planète Rap. Ouais, ça sera la dernière. La dernière déjà. Eh ouais, déjà. Ça passe trop vite. La dernière de la semaine, Tal. Oui, de la semaine, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Tu reviendras. Avec grand plaisir. Bon, bah donc on va en profiter demain soir, 20h-21h. Tal, à pas louper dans Planète Rap. En plus, c'est vous qui choisissez le freestyle, c'est une bonne idée ça. Ouais. Est-ce que je peux me permettre pour faire une petite dédicace ou pas? Oui, il faut attendre demain. On autorise la dédicace. Allez, allez, on autorise c'est la dédicace. Non, parce que c'est je toi. Sais qu'ils m'entendent, c'est pour ça que je voulais faire un gros bisou à Roger. Salut Roger. Il est pas très bien Roger. Roger et son associé lespetitsangesdelavie.com, c'est une association, voilà. Donc un gros bisou à eux. Et si on parle d'association, je fais aussi un gros bisou à toute l'équipe des Petits Princes dont je suis marraine. Voilà. Je fais un bisou à tout le monde. Et ben, et ouais, tous les merci, enfants. Merci, désolé, tout le monde. J'avais oublié. Ouais. Bah, c'est bien, Tal. Non, c'est bon. Merci pour le message. Merci, merci beaucoup. Nous, on arrive dans un instant pour la radio libre. C'est parti au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous avez un truc à dire, vous profitez jusqu'à minuit. Radio libre intégrale sur Skyrock, ça démarre avec toute l'équipe dans quelques secondes. On va démarrer aussi avec un petit Jules, tiens. Ouais, très bien. Ils sont de Marseille qui fait plaisir à Samy. Forcément, gros. Hey, je trouve pas le sourire. Ah, ouais. Forcément. Je trouve on pas est le premier, on est premier. Ah, on est bien, hein, tiens. Vous êtes toujours premier, Marseille. Ouais. On parle pas trop de foot en ce moment, Fred. Hey, demain, là, il y a c'est bizarre. Heureusement, je m'y connais pas. Donc, heureusement. Tu sais pas qui est premier de Ligue 1? Et sinon, à part ça, ça va? Et toi, Tal, super. On vient de le dire, c'est l'OM, possible, c'est l'OM, on vient de le dire, tu nous écoutes pas. C'est l'OM. Moi, je suis dans les nuages, je suis pas là. Ouais, je sais. Je suis déconnectée. C'est l'OM. C'est ça. Bon, Marseille, quand même. Et encore une fois, et pourtant, je ne fume pas, hein, juste pour info. Bah, il faudrait peut-être. On peut s'y mettre. Allez, hop. Bon, on t'embrasse, on va s'occuper de toi, là, pendant. Ouais, ouais. Et direction Marseille. Pendant le début de la radio libre. Exactement. Merci, Fredo. C'est bien. Et Jules, donc, pour démarrer, puis vous tous en direct, je vous le disais. 41759, l'appli Skyrock, tout ça pour nous laisser des messages. On arrive tout de suite. Ciao, Tala. À demain. Ciao, à demain. Salut, Fred. À demain. Ciao.